C'est comme ça que ça commence. Dans le lien du film de Kubrick, Les yeux grands fermés. Les yeux grands fermés, c'est cette note-là. Toujours en répétition. Toujours en répétition. Répète-moi encore ça une autre fois, toi. Ben, c'est une note que l'on répète. Et sur cette sonorité, on sent la tension dramatique. Comme maintenant. Comment? Comme maintenant. Comme maintenant, comme, effectivement, comme maintenant. Et pour ouvrir une errance rénaldienne exceptionnelle, parce que c'est la meilleure que je n'ai j'aurais du bain du don du fermer ma grand gueule. Non! Notre bouche doit s'ouvrir. Les mots doivent se laisser aller. Dénudons, s'il vous plaît, demandez ici devant sa feuille. Hey, c'est moi, dénudons, Bélubé. Oui, c'est moi, dénudons. Dis-nous donc, dénudons, pourquoi avons-nous aussi une difficulté aussi intense à vous amener votre nom avec une facilité qui n'est pas la mienne? Qu'est-ce que c'est? On sait pas comment le prononcer, Dénudon. Ben, c'est Dénudon. Dénudon. Dénudon. Ben, dis-nous donc, Dénudon, oui. Dis-nous donc le secret de ton nom. Ben, mon nom a commencé, hein. Moi, je suis né, oui. Mais mon grand-père, mais mon père avant est né, oui. Mon grand-père aussi. Hey, c'est nouveau, j'ai jamais entendu ça, moi, là. C'est un scoop. Ben, merci, hein. J'aime bien les nouveautés. Ben, c'est très nouveau, là. Mais c'est combien de générations, le dénudon? Ah, les dénudons, ont commencé en Normandie. Oh, c'est pas en Normandie. Il y a deux Québécois en Normandie actuellement. C'est pas vrai. Un avocat et un homme de radio communautaire, non, universitaire. Pas vrai. Ben, c'est ce que je te le dis. Alors, les dénudons ont débuté en Normandie. Quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous, j'aimerais revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous, j'aimerais revoir ma Normandie. Dénudons Normandie. Ben oui. Et ensuite, mon arrière-grand-père est parti à la nage. Oh, monsieur! Du port de Normandie jusqu'au port. Jusqu'au porcelet de Québec. Oh, c'est vrai, parce qu'à l'époque, c'était pas une grosse. Ah, mais non, c'était même pas un port, c'est un porcelet. Il naissait, il naquit sous nos yeux. Ah, c'est. Alors, les dénudons ont comme. Ont été les premiers, les pionniers, hein, dans le port de Québec, en ramant, ben pas en ramant, mais en nageant jusqu'à sa source. Sa source. Ben sa source, son quai. Son quai. OK, son quai. OK. C'est pas juste son quai, c'est son OK. Ben oui, c'est le OK, OK du quai, là. OK du quai. Connais-tu ça, l'aviation, toi? Ah, ben moi, l'aviation. Ouais, mon oncle, là, il était marin. Marin, oui. Ah, c'est moi, ça me pique la curiosité. Bon, ben, je vais te raconter un peu. Non. Les dénudons, là, sont arrivés à la nage, oui. Jusqu'à Québec, là, au porcelet de Québec. Oui. Et ils ont sorti de l'eau. Ben, qui? Ah, mon gars, mon arrière-grand-mère, mais le monsieur. Oui, qui est? Ben, qui est lui, là, dénudon, oui. Et donc, il a dit, ma Normandie, parce qu'il, lui, croyait avoir fait le tour de son île, parce que Normandie, c'est une île. Ben, voyons donc. Depuis quand Normandie est une île? Ben, à l'époque, aujourd'hui, c'est plus comme ça, là. Ça s'est acheché. C'est taché d'assèchement. Oui. C'était l'île. Il croyait, lui, avoir fait le tour de son île et de rentrer, mais par en arrière de la Normandie. Oh, du derrière, il est arrivé à Québec. Oh, c'était le derrière du Québec. Non, le devant de Québec. Oh, mon Dieu, Seigneur. Alors, dis-nous donc, c'est comme ça que les Nidudons ont connu, les premiers. Et ainsi, ils ont propagé toute l'essence même des Dénudons. Ah, c'est une belle histoire, oui. Oui, monsieur le président. Monsieur, il est pas trop cathodique. Mesdames, les voluptés. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'errance rénaldienne de variété. Comment ça, variété? Bienvenue à l'émission de variété indépendante. Comment? Pardon? Allô? On vous entend? Oui, OK. On vous écoute, mon cher monsieur. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous écoute? Voyons donc. Hey, écoute-moi! Mais on t'écoute! On vous écoute, mais on comprend pas ce que vous voulez dire. On vous laisse la place, là, maintenant. Hey, écoute-moi! Oui! Bon, le monsieur est agressif, hein? On ne sait pas si... Va-t-il nous frapper avant la fin de l'émission? Va-t-il même arriver avec un couteau? Une arme pas si blanche? Même qui tire des projets que t'attires? Projet que t'attire? Projettera-t-il de nous envoyer le... Hein? Est-ce qu'elle va nous, hein? Projettera-t-il de nous lancer un projectile? Bienvenue à l'émission. Hey, écoute-moi! Oui, on vous écoute, mon cher. Allez-y, là. Allez-y, on vous entend. Il veut rien dire. Il faut le laisser aller. Peut-être que c'est ses médicaments qui font pas encore effet. Tranquillement, ça va faire effet. Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. L'absurde aventure de l'errance s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs pour un temps illimité. La seule émission, oui, où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse, qui télécharge mes émissions, la Gestapo. C'est-à-dire... la police secrète dans tous ces états. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. Deux heures et plus à travers l'errance, et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénald Gagné. Oui. C'est vraiment ce rénal là. C'est le vrai rénal. Premièrement, rassure-nous, là. Qui nous dit que tu es le vrai rénal? Ma voix. Ah, c'est vrai qu'une voix, une voix comme ça, on peut pas. On n'en trouve pas deux. Ah non, on en trouve juste une. Ce n'est pas la voix des autres, c'est quelque chose de mieux. Sans te parler, je sais tout ce que tu vas me dire. À ton regard, l'errance rénaldienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Bonne émission. Attention, avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Bien, Audrey, je crois que c'est la 200e représentation que vous avez atteint avec Ondine. Presque, oui. Et vous avez eu du plaisir à interpréter ce rôle? Beaucoup, j'adore ce rôle. Je regrette seulement que je ne peux pas rester plus long que Juillet dans la pièce, parce que je sais que j'y pourrais faire le rôle au moins 50% mieux. Vous croyez? Oh, oui. C'est assez difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. Je sais très bien qu'il y a peut-être un ou deux soirs par semaine que je le fais comme j'aimerais le faire. 8 fois par semaine, ça sort pas. quels sont vos projets maintenant, Audrey Hepburn? Vous partez en vacances? Vacances! Qui ne seront pas romaines. Projets. Elles ne seront rien pas romaines. Faire du tout. Ce sont des vacances françaises, anglaises, suisses. Aller à Londres, à Paris, à Rome, faire grand plaisir. Comme je veux. Est-ce que vous avez l'intention d'aller à Paris? Ah, naturellement. Quand même, on n'entre pas en Europe sans aller à Paris. Oui. Ça, je vous posais la question. Il n'y a pas de question. Oui, c'est un peu drôle réponse, quand même. Je suis à peu près sûr de la réponse, mais enfin, c'était pour vous l'entendre dire. Vacances parisiennes. Oui. Je crois que sur scène et dans vos films, Audrey Hepburn, vous êtes habillée par des couturiers français. Oui, dans Sabrina Fair, c'est Hubert de Givenchy qui a fait les robes. Et vraiment, vous allez voir, quand le film sort, ils sont tellement jolis. Je trouve ça vraiment incroyable que quelqu'un si jeune que Hubert de Givenchy, qui est tellement doué, il n'y a pas de chichi et rien. Il est très sincère et gentil. Merci beaucoup, Pierre, et au revoir. Et si je peux, j'envoie tous mes sentiments meilleurs et sincères. À la fin. Je crois que les gens n'aiment pas le son. Même le son de leur propre voix, ils l'aiment pas. À la radio, on peut encore rire un peu. À la télé, c'est plus dur. Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas leur histoire. Par contre, ils aiment raconter ou entendre des histoires au sens où on dit soit raconte-moi une histoire, soit arrête de raconter des histoires. Et l'histoire n'intéresse pas. Le son n'intéresse pas en tant que son. Je sais plus où je suis des fois. Tout ça. Des fois je dis merde, il y a des gens qui sont là, il faut quand même que je fasse que... Non, je suis ailleurs. C'est bien. Ils doivent partir avec moi, c'est ça mon rôle. Est-ce qu'ils partent avec moi? On est ailleurs, on oublie tout. Et on nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique, il faut que ça détruise tout, et puis que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. La musique. Et les amis, et rigoler, rigoler, quand on peut, il faut rigoler, faut rire. Je vous embrasse. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf, où vous ne pourrez plus jamais me griller. Un tonnerre d'eau. Aujourd'hui, le samedi 22 mai 2010, les errances canadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Ah, c'est ciboulot. Laissons la boussole au gestionnaire. Non, c'est ça. Non, peut-être. Ah, peut-être pas. Peut-être pas quoi? Mais peut-être pas que... Ouais, c'est ça. Là, j'essaie de trouver ma phrase, là, et je ne suis même plus... Je suis incapable de retrouver. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Bon, OK. Ah, ben c'est déjà ça. Ben oui, mais c'est trop. C'est ça trop. Ça ne termine pas comme ça? Non, faites-vous-en pas, là. Ça commence comme ça. Ça commence comme ça, c'est beaucoup mieux comme ça. Croire quand on a cessé d'y croire. Prendre un train quand un bateau s'en va. Sauf que, dans ce questionnement-là, là, prendre un train quand un bateau s'en va, ça va pas dans la même direction, là, normalement. Là. Le bateau, là, se quitte et va pas dans... Exemple. T'es à Québec. OK? Tu veux t'en aller en France. Si tu prends le bateau, tu vas t'y rendre. Si tu vas en train, tu t'y rendras pas. Ouais, c'est tout à fait normal. Alors donc, quand on dit prendre un train quand un bateau s'en va, là, on a changé. On ne veut plus aller au même endroit. Ah, mais ça le dit pas dans la chanson, attendez. Prendre un train quand un bateau s'en va. Quand c'est bon, c'est beaucoup mieux comme ça. Et même, c'est dans la nuit, et même, non, ça le dit pas, ça. Et même, dans son lit, c'est beaucoup mieux comme ça. Non, ça, on peut pas ça. Ben, alors donc, c'est une chanson approximative, très approximative. On s'excuse auprès de l'auteur. Ben, l'auteur s'excuse. Il voulait pas. Non, ben, il l'a fait. Bon, on sait qu'il l'a fait, mais... Peut-être que même lui aujourd'hui, là, il est profondément choqué par ce qu'on a voulu dire à propos de cette pièce musicale qui est quand même... Qui est comme ça, c'est beaucoup mieux comme ça. Mais moi, là, si je choisis entre le train et le bateau, là, je prends le bateau. Je me sens un peu, moi, l'âme du capitaine, là. Celui là qui dit il y en a pas de problème à bâbord, à tribord, à la mort, à la boule, à la poule, à la mort. Ben oui, tribord, ma bord, la mort. En même place, le tribord là, c'est à tribord. OK, bébé, oh les bébés. Les bébés en bikini qui dansent au bord de Mardi, les bébés en bikini, les bébés tous les samedis, les bébés en bikini qui restent au bord de Mardi, les bébés en bikini. Oh, j'étais en transe. Il se ressaisit. Quand le cours au ralenti, il se dit, va-t-elle arriver? Il va m'actionner. Asbado va m'actionner, il va dire moi qui connais la chanson Petit. C'est vrai, il est très professoral. Hein. Petit connaît la chanson, moi là. Vous êtes Chalababo, je suis Lababo. Ah mon dieu, Lababo Moustaki, bois Lababo Moustaki. Et je dis, mon petit jambion. Oh, vous avez changé. Je change régulièrement. Oh, fond, vous êtes un être à plusieurs visages, et lequel doit choisir? Choisis-les pas, il t'arrive à toi, et tu n'as pas le choix. Oh! Ne pas avoir le choix. Plusieurs se disent ça, hein? Ah, j'ai pas le choix. Ah! On n'a pas le choix, hein? Ben, hey, si je te dis, moi, là, à l'instant, là, en ce beau samedi 22 mai, oui, t'as le choix. T'as toujours eu le choix, mais t'as jamais voulu le prendre. T'as pris ce chemin-là du « Ah, on n'a pas le choix ». Ça, c'est un choix de prendre cette opportunité, mais c'est pas cette opportunité, cette variation du « Ah, on n'y peut rien ». C'est comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Mais si tu changes un peu le disque, là, la formulation, puis tu dis hey, « oui, j'ai le choix. Je peux tout changer. Je suis maître de mon univers. Je suis maître de ma planète. Je suis mon Dieu. » Mon Dieu Seigneur, t'es bien sérieux? Je te reconnais plus. Je lave pas, moi. Moi, là, quand je fais, tu te souviens, hein? Trois petites assiettes parce que je mange avec mon chat pis ma perruche. Et je prépare, bien sûr, toujours les trois assiettes. Une pour moi, une pour mon chat pis une pour ma perruche. Mais mon chat, ben, il a le goût, lui, de à un moment donné, là, ben, c'est une aile, excuse-moi. Ben, a le goût, elle, à un moment donné, de manger la perruche. Mais j'y mange la perruche, toi. Mange la perruche, tu vas pas juste avoir la langue au chat. Tu vas avoir la langue dans le pèteux, toi. Tu vas dans le trou de pète, puis tu vas voir que... Tu vas miauler du trou de pète. Si on n'a jamais vu ça, là, sur YouTube, là, sur des sites internet de vidéos, là, un chat fait... par le trou de pète, là, tu vas le faire, là, par le trou de pète. Mange ça, sa petite perruche-là, toi. C'est toute ma vie. Toi aussi, t'es toute ma vie, ma petite poilue. Ah, oh, oui. T'es tellement gentil. Ok. Arrête. Là, là-dessus, là, je sais que sur ton dernier là, je sais, ça voulait dire, donne-moi la perruche. T'as le donne pas, la perruche. Pauvre petite bête. C'est beaucoup plus petit que toi. Ça, regarde-toi. Non, je veux pas te froisser, hein. On sait que les chattes, hein, c'est familier. Tout ce qui est féminin, on peut pas parler du poids, hein. Mais t'es bien portante, toi, t'es heureuse de vivre. Regarde-moi les petites bédaines, la belle bédaine, Je te nourris bien, moi, Je te parle souvent, ouais, ça t'aime moins ça. Ouais, oui. Mais ça me... Premièrement, là, ça m'exclut un psychanalyste. Ça coûte cher, les psychanalystes. C'est assez approximatif, il paraît, là, selon Freud, là, on a fait une analyse freudienne, là, le grand psychologue, en tout cas, qui est professeur à l'université de 8, en troisième année. C'est pas de 8, mais l'université de 8, de 8, de 7, de 6, de 5, de 4, de 8, en tout cas, d'un chiffre à Paris. Grande université. Je le vois, en plus, il y a des petites lunettes. Mon frère. Oui, je pêchais. J'ai rencontré la brebis galeuse. À l'arrêt d'autobus. Elle était là. Enfin, croyais-je. Et envoyait des textes. Elle prenait son cellulaire pour parler avec des mots. Et non pas... Mais des mots du clavier. Et non pas de sa bouche. Et je voyais ses mains frivoles qui gambadait sur ce clavier. Et je me suis dit, Dieu, toi, Dieu, que ferais-tu, pourrais-tu ne rien faire devant elle? Alors, bien sûr, je l'ai abordée. avant de déborder, parce que moi, très souvent, là, j'aborde et je déborde après. Faudrait jamais que j'aborde, parce que je sais que je vais déborder, je vais aller trop loin. Pas capable de le dire, moi, là. Ah, il fait beau aujourd'hui, hein, c'est toujours... avez-vous lu le dernier livre de Monsieur Onfray? On remet en question toute la les choses de la psychologie, les choses de la vie. Il paraît que c'est pas des petites abeilles qui font les petits enfants. La cigogne, c'est une cigogne, ça, là. Une masse corporelle avec des ailes, qui ramène des petits bébés. Ah, ça peut venir de partout, là. Moi, la dernière que j'ai vu passer, là, c'était, il y avait un petit enfant de Chine, un enfant de la Chine. La couche était pleine, ça a tout tombé sur ma voiture. Ah, j'ai dit, ça vaut pas de la chance, ça, quand ça, il paraît que du petit caca de bébé, là, c'est la grosse chance. Ah, c'est, j'ai tout peinturé mes murs avec du petit caca de bébé, j'ai dit, hey, ça va me porter chance, moi, pouvoir faire un enfant avec ma femme va pouvoir avoir des petits bébés, pour être heureux, elle va me laisser tranquille, elle veut des enfants, elle. J'ai dit, tu sais, moi, ma belle chérie, là, un enfant, ça arrive pas habillé, là, ça arrive tout nu. Ça sait rien, ça bave, ça fait ça pleure, ça chafesse. C'est pas évolué, ça, ma petite chérie. Un cheval, quand ça sort de sa mère, quelques secondes après, ça monte sur ses pattes, hein, et c'est prêt à trotter, puis... Je vais te faire le cheval. Non, pas le cheval, ça. C'est un cheval que la grippe... T'as jamais vu de chevaux, ben, à tes visions. Les chevaux font pas... C'est pas un cheval, ça. Mais j'ai écouté Jacques Vray, là, qui dit « Quand je serai cheval, je la gueule par terre et je serai ta mère. » Il a pas chanté ça, Jacques Vray. T'es complètement parti. Ben, non, il dit « Quand j'étais cheval, je ressemblais à ta mère. J'avais des dents de lait, des dents de loup. » Ça, c'est Gainsbourg. Il a écrit ça pour France Gall, « Les dents de lait, les dents de loup. » Ben, non, j'étais cheval avec mes dents de lait. Tu mêles toute la composition. C'était beau, hein? Ben, c'est très, très beau. Et donc, c'est ça. T'as peinturé tout... c'est pas comme ça que ça arrive à un enfant, ma belle chérie. Ça arrive tout nu, c'est pas intelligent. Puis faut éduquer, hein? Élever un enfant. Comment tu veux que j'élève ça? Je suis déjà assez bas de même, moi. Je suis plus bas que ça, là. Je suis dans les sous-sols mineurs. Moi. Ah, c'est bon. Ben, ma chérie, en plus, ça arrive pas dans une bouteille, ça, là. Non, t'aboirais. Comment? T'aboirais. Bois-toi, toi. Il y en a qui marchent sur les eaux. Moi, je bois ça de l'eau, moi. C'est pas besoin de marcher dessus, moi. Moi, je suis composé 99% d'eau. Rayon le soleil d'or. Si c'est la moitié d'un tour, fa, ferme la dent. Fa, c'est la facile à chanter. Sol, sollicitude, la mer où nous crachons, siffler comme le piton, un piton qui siffle. Mais un serpent, c'est un siffleux, ça. Ah, c'est pas la vraie chanson. Et nous repartons, ouais, ça fait dodo. Mais que ma chérie, là, les enfants, là, on va écouter Rance Rénaldienne, ça va peut-être enlever l'idée. Mais moi, j'essaie d'écouter ça, j'ai plus le goût de rien. Bon. Passionné de théâtre. OK, et pour nous envelopper dans une atmosphère narratif, unissons-nous autour d'André Brasseur et de Michel Tremblay avec le film « Le soleil se lève plus tard ». Le film relate l'histoire de Gisèle Lapointe, secrétaire qui mène une vie bien ordinaire et sans véritable amour, bonheur, elle le recherche et le trouvera peut-être dans ce récit filmique. Maintenant, laissons la chance aux chansons et attendons la montée improvisatrice parce que c'est l'improvisation que l'on entend, qui nous dit que le Père Noël, c'est un Québécois. Mais improvisation des mots fait son entrée et... Et c'est maintenant le temps de nous ressaucer l'oreille dans la musique. Ah. Oh, tout le monde ensemble, shim, One, two, three. One, two, three. Now as the ladder of life has been strung, I think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this old wide world there's no happier bloke. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim chiminy. A sweep is as lucky can be. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim chiminy. Good luck wherever, good luck when I shake hands with you. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim chiminy. A sweep is as lucky can be. Chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim-chim. Good luck, we're above when I shake hands with you. Oh, I choose me bristles with pride, yes I do. A broom for the shaft and a brush for the flue. Flue? Oh, la la la la la la. Where the smoke is all billowed and curled, between pavement and stars is the chimney sweep world. When there's hardly no day, nor hardly no night, there's things off in shadow and off way in light. On the rooftops of London, chim chiminy, chim chiminy, chim chim chiree. When you're with a sweep, you're in glad company. Nowhere is there a more happier crew than them what sings chim chim chiree, chim chiroo. Chim chiminy, chim chim chiree, chim chiroo. Voulez-vous arrêter ça, tout le monde? Voulez-vous arrêter ça, vous? Vous touchez la sœur de votre cousin? Jamais! Ça sert la pièce trop frisée. C'est trop frisée. Regarde, là, tu vois bien, c'est trop frisé, ça n'a pas de bon sens. Bébé. Oh. Je me sens mal de voir une fille. Oh, ben moi, je me sens pas mal pour toi. J'ai assez hâte d'arriver à la maison. Tu te comptes ça à qui? Franchement. Je vais aller chercher le char. On y va avec toi. Hey, tu m'amènes à la maison? Oui, viens. Nous autres, on va prendre un taxi. OK, bonsoir. Bon, on va se tard, ma petite fille. Hein. Bonsoir, monsieur Bousson. Si ça vous tente toujours de m'accompagner à danse, parce que... À cette heure, j'ai peur que vous ayez moins de fun qu'ici. Non, non, non, on va y aller. Une promesse, c'est une promesse. Mais j'aimerais mieux y aller à pied, par exemple. C'est pas loin. Puis ça me tente de marcher un petit peu. Pour vous? Ah, ben, moi, ça me fait rien. C'est pour vous. Hey, avez-vous vu le cheval avec l'horloge? Est-tu beau? Moi, je trouve ça bien laid. Mais c'est pas, je veux dire... je sais pas, j'aime pas ça, moi, les affaires qui font trop riches. On regardait le cygne avec ses doigts petits en verre soufflé. Ça, je trouve ça assez cute. Je sais pas, il me semble que ça fait plus discret. Thank you. Avez-vous vu quelqu'un passer avec ma sacoche? Hein? Votre sacoche? Je me suis fait voler ma sacoche. Où ça? Dans la rue? Pas vu personne. Mais non, pas dans la rue. Il n'y a pas de danger dans la rue, je suis capable de me défendre. Il n'y a personne qui peut me voler ma sacoche dans la rue, je la tiens fort. Ils sont venus chez nous. Ils sont venus jusque chez nous pour me voler ma sacoche. Je t'ai sorti. Je t'ai sorti 5 minutes pour aller chercher. Que j'ai. Une peine de lait. J'étais partie chercher une peine de lait, puis je me suis rendu compte que ma sacoche, je l'avais oubliée chez nous. Puis quand je suis revenue, ma sacoche, là, depuis là. Si vous les avez vus passer, dites-moi-les. Dites-moi-les. J'avais 500$ dans ma sacoche. Ils savaient que j'avais 500$, c'est pour ça qu'ils me l'ont volé. Appelez donc la police, madame, au lieu de rester comme ça dans le milieu de la rue, là. I'm on a ving before that the 2 year prat. I donate et a reservoir. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. I'm on a ving before that the 2 year prat. I donate et a reservoir. Trollin', excusez-moi madame, Trollin'. Mais avant tout, Mary Poppins. Chim chimney, chim chimney, chim chim chimney. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum chum. Féloche avec La Vie Cajun. Acajun, on y revient. Les Stooges avec Iggy Pop. Jordan. Errance Renaudienne sera le 7 juillet 2010 à l'Olympia de Paris pour écouter la légende Rock and Roll, toujours vivant. Et il va bien la sauceuse. Ah oui, il y avait Féloche, hein, avec La Vie Cajun. Cajun. Qu'est-ce que ça veut dire, Cajun? Vraiment, là, tu veux que je t'explique? Ben, j'aimerais bien. Tu veux que je t'explique? Ben, c'est... Hey, Cajun! Richard, comment il s'appelle donc? C'est trop dur. Révolé, c'est bon. Ça, c'est Cajun, ça. À demander la charité, c'est que je peux vous faire. Aussi, dans le yam, y a un petit trou. Zachary Richard, ça, c'est un Cajun, ça. Yam, y a un petit trou, dans le yam, y a un petit trou, le tout est dans le yam, y a un yam, dans le lom, dans le lom, dans le lom, dans le lom, dans le lom, dans le lom, Cajun, ben c'est ça, ça vient de la Cajonie. La Cajonie, à côté de la... Premièrement, là, c'est lorsque tu caresses quelqu'un, tu la... Je la cajole. Ben voilà, le Cajun, c'est à côté de la Cajole. À côté, c'est pas une ville, la Cajole. Ben oui, quand tu cajoles quelqu'un, ben je, oui, cajoler, mais c'est pas... C'est un verbe, cajoler, premier groupe, cajoler ER. Lâche-moi les groupes, toi là, il n'y a pas d'appartenance, c'est à côté de la Cajolanie. Cajolanie, ben Cajolanie, l'année. Ah, oh, c'est pas l'année, il aimait les sucettes à l'année. Donne à ses baisers un goût ravi, et lorsque le sucre d'orge parfumé à l'année descend dans la gorge d'année, Rénal est au paradis. Pour quelques pennies, Annie, c'est cette heure, Annie, elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des yeux heureux, Annie aime les sucettes, Annie, les sucettes à l'année d'Annie. À un moment donné, j'ai vu une émission avec... Patrick, ça va chier! Hein? Ah, ça a chier cette journée-là. Et c'était Gainsbourg, puis on avait demandé à une fanfare de jouer les sucettes. Hey, je vous ferai jouer ça à un moment donné à l'Errance Renaudienne. Continuez à l'écouter, je suis sûr que éventuellement là, je vais retrouver ça. Sa vie de recherche. Cette semaine, et ça, tu fais bien ça, la fanfare. Oh, moi, j'ai été déjà un fanfaron. Ah, ben là, t'es proche de la fanfare. Ben, le fanfaron n'est pas proche de la fanfare. Il est pose de la fanfare. C'est celui qui est en arrière et qui fait toutes les simagrées. C'est pas le malade, ça, mais c'est ça. Puis il est pas imaginaire, hein. Molière, jamais cet auteur n'aurait été à la hauteur de toutes mes simagrées, hein, lorsque j'ai, ou mes gémarades, adieu, non, c'est pas gémarades, c'est Jérémiades. Ah, moi, c'est Jean-Marade. Et là, j'étais en arrière, là, et je faisais des grands, comme un spectacle de Mylène Farmer. Le type qui était en arrière, là, de tous les spectacles de Mylène Farmer, c'est moi, puis je dormais. Ah, ça s'endormait, Mylène Farmer. Ah! Je suis libertine. Je suis une putain. Hey, monsieur, libertine la putain. Ben écoute, chacun son... Ben, c'est un beau nom pour une pute, hein, libertine. Cette semaine, et ça, jusqu'à... J'ai jamais entendu ça, moi, là. Ben, c'est tout nouveau. Puis, Oh, attends. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucheront. Oups. c'est merveilleux. Semaine. Est-ce que jusque maintenant et jusqu'à la fin de l'errance grenadienne, nous marcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons et lèverons à bras de mots. Et croyez-moi, nous allons le lever pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Plaçons en garde à vue aujourd'hui le mot ou le verbe. Théâtre! Oh, monsieur. Le théâtre! Oh, le théâtre de la vie. Le théâtre de l'amour. Le théâtre de la mort. Aïe donc, c'est la mort. Sans que vous l'attendiez, avec sa main de traître, elle pourrait vous frapper. Quand on revient de vie, on est plus grand, plus fort. Et alors, on se rit d'avoir eu peur de la mort. L'espoir vient de renaître. À nous de le conserver. Repousser les faux traîtres. Voilà l'éternité. Voilà la liberté. Ah oui, c'était au mois d'octobre, à Saint-Joseph d'Alma. Malgré ma vie sobre, devait se finir là. Adieu, épais ma mère. Adieu, tous mes parents. Voilà que je vous quitte. Aujourd'hui, pour longtemps. Écoute mon histoire. Un jeune homme bien voyagé. On comprend plus là. On comprend plus là. Ben oui, mais c'est du théâtre, hein. Exprime-toi clairement. C'est le moment d'émotion. Oui, mais contiens l'émotion. Contiens l'émotion. Dans combien de centilitres? Pas de centilitres, de millilitres. Combien de millilitres? Ah. Jamais trop de millilitres. Ok, alors, avec sa belle... On comprend pas! Avec sa belle... On comprend rien! Hey! C'est moi qui pleure, là? Oui, mais exprimez-vous! Ben, je m'exprime! Nous sommes au théâtre! Oui, au théâtre, mais ce soir, c'est la générale! La générale de Grohl, pas la générale... Pas le général de Gaulle. Non, la générale de Gaulle. Non, c'est la générale. C'est maintenant que tout est prêt que nous allons lancer au public le fruit de nos usufruits. Ben oui! Tout l'effort condamné à si peu de choses sera libéré ce soir devant un public aux dents extrêmement pointues. Au regard perçant et à la bouche remplie d'écume. On n'amènera pas ça ici au théâtre. Bon, ce n'est pas au théâtre, comme vous dites, c'est au théâtre. Là, si vous dites ça comme ça, on comprendra absolument rien. Alors reprenez avec sa main de traître. Avec sa main de traître, en pleurant. Avec sa main de traître, on comprend absolument rien. Ah, c'est la générale de Gaulle. Lâchez-la, la de Gaulle. Voilà, là, lâchez la Gaulle. Ah, mais là, s'il faut lécher la Gaulle, nous la lécherons. Ben. Laissez de Gaulle. Mais de Gaulle, c'est pas la générale. La générale de Gaulle. C'est une expression au théâtre qui veut dire devant public, première fois que l'on allons cracher. Cette pièce dramatique, cette dramaturgie. Donc, il faut être prêt. Oh mon Dieu, c'est comme la soupe à Madame Tremblay. Non, la sauce à spaghetti. Oh! Alors là, elle est pas prête. Non, c'est pour ça qu'elle touille. Elle touille. Elle continue à touiller, l'entouille. C'est pas l'entouille, c'est l'andouille. Continue l'andouille. Elle touille. Oui. Et c'est où? Ça aura lieu où, c'est le général de Gaulle? Ah, c'est... J'ai jamais dit de Gaulle, moi, là. J'ai dit la générale. Ouais, mais de Gaulle. Et vous êtes bon comédien? Ben, c'est moi l'être de théâtre. Moi qui vous a inculqué toutes les variations de la tristesse. Ouais, ouais, la variation. Moi, j'en connais que deux. Que deux. Que dalle. Que dalle de la tristesse, là. La tristesse, j'en connais pas de l'accent, oui. J'aimerais ça qu'on a de l'avantage. Ben oui, mais de l'avantage. Comment si vous voulez, ouvrez-vous. Ah, mais mon pervers, tout mon cochon m'appelait pas. Non. Ouvrez-vous à l'art dramaturgique. À l'art théâtral. Allez en voir. Allez en voir des danseuses. Là, sur le théâtre de la vie, j'accouche d'un imbécile. C'est moi, oui. Devant cette générale de Gaulle, nous ne sommes à peine point, à peine à point. Comme la dinde. La dinde. Et nous allons cracher devant le public. Un texte approximatif venant des comédiens presque amateurs. Hey, on sera pas payé. Vous serez payé malheureusement. Mais comme cette pièce ne durera point. Un point sur la gueule? Point sur la gueule. Vous ne ferez pas un sou. Vous serez comme l'avare de Molière. Ah, c'est lui qui comptait ses sous. Ses sous, son argent, ses francs, son euro. Ben non, il n'y avait pas d'euro à l'époque. Ah, c'est, vous avez entièrement raison. Alors, est-ce que le mot théâtre fera partie de la grande... dans le grand royaume de la francophonie? Nous allons pour parler. Mais c'est non, c'est pas pour parler, c'est pour juger. Alors nous jugeons que le théâtre, effectivement, fera partie de la du grand royaume de la francophonie. Hey, on est tellement touchés. Mais j'espère, parce que c'est quand même unique, hein, ça s'est jamais vu. Oh! Tout le monde ensemble! C'est comme le bon vin, ça se garde vieux, ça se garde bien. La bonne chanson, c'est comme le bon vin, ça se garde vieux, ça se garde bien. Chaque jour amène des chansons nouvelles, nos cœurs infidèles oublient les anciennes. Mais voilà qu'un jour, sans savoir pourquoi, nous monte à la tête un air d'autrefois. La bonne chanson, c'est comme une chanson, les chansons, beaucoup de leçons. La bonne chanson, c'est comme le bon vin, ça se garde vieux, ça se garde bien. Un jour les paroles des chansons qu'on aime s'en vont et s'envolent, on les oublie même, mais on se souvient au moins d'un refrain qu'on a dans la tête, car chacun a le sien. La bonne chanson, c'est comme le bon vin, ça se garde vieux, ça se garde bien. La bonne chanson, c'est comme le bon vin, ça se garde vieux, ça se garde bien. La bonne chanson, c'est comme le bon vin, ça se garde vieux, ça se garde bien. La bonne chanson, c'est comme le bon vin, ça se garde vieux, ça se garde bien. Pour changer l'atmosphère, je vais vous mettre de la musique sud-américaine, merengue. Voilà. Allez-y. Thank you. son ami Nicole. Ils se sont rencontrés ici. En fait. Excusez-nous si on est en loin, c'est que vous venez selon le soir d'attendre pour vous à la fin de l'été. Je peux aller vous le conduire jusqu'à votre porte si vous voulez. Voyons, c'est pas nécessaire. Je suis capable de monter un escalier tout seul. Bon, ben. Bonsoir. Merci beaucoup. Ça a été bien agréable. Moi aussi. Oh, Gisèle. Je peux-tu vous rappeler? Mon Dieu, pourquoi pas? Si je suis libre, ben on verra ce qui se passera, hein? Bonsoir. Bonsoir. Du phare d'Alexandrie, fais-nous les filles. Parc sur le Nil. Alexandrie, Alexandra, ce soir j'ai de la fièvre, toi tu meurs de froid. Ce soir je danse, quand je danse dans tes bras. J'ai pas envie de me marier les pieds dans le slot, j'imagine quoi donc. À part de ça, Paul, qu'il peut faire beau tant que neiger. Puis une fois rendu en avril, on le tous met de se marier en juin. Voyons, je connais-vous pas les amoureux, c'est pas beau ça. Toi, mêle-toi dans tes affaires, puis venons te coucher. En tout cas, moi, je veux un vrai mariage, avec la vraie robe, puis le vrai soleil, OK, là? Bonjour. Hey, Gisèle, as-tu bien dormi? Donc, c'est rare de voir que tout le monde est à table comme ça en même temps que tu manges matin. Hmm? Ben, on avait tellement hâte d'entendre parler du vieux garçon Gisèle. Arrête donc de l'appeler comme ça. Il n'est pas si vieux que ça. Du moment qu'il y ait d'un bon âge pour Gisèle, c'est le principal, hein, Gisèle? On laisse la don parler, ma mère. Je suis cassée faire parler de toute façon, elle va bien dangereuse. Pis, vas-tu te décider à nous en parler, ton vieux garçon? Il y en avait un autre. Encore un. Allez, va, mon pitou, va jouer. Tu as-tu longtemps que t'es arrivé? Non, je viens juste. Mais on n'est pas là. Imagine donc qu'ils ont demandé de travailler aujourd'hui. Hier, c'était à son tour de garder. Aujourd'hui, c'est moi. Puis toujours, ta soirée d'hier, comment ça finit? Oh! Il m'a amené d'une danse à la jambe. C'est pour moi de le fun. Il m'a présenté à ses amis. Puis il m'a rappelé à midi, là. Mon Dieu, mais c'est la grande affaire. Oh! Je lui ai dit non. Pourquoi? Il a l'air d'être fin. Pour être fin, il est fin. Ben, tu comprends, c'est pas tout à fait l'idée que je me faisais du prince charmant. Ce parfum de nos années mortes, ce qui peut frapper à ta porte, l'infinité de destins en opposant, et qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera, pendant que la marée monte et que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon nom des poussières de toi. Le vent les portera, tout disparaîtra. C'était Sophie Hunger, une reprise d'une chanson de Noir Désir, Le vent l'emportera. Excellente interprétation, merveilleux. Ensuite de ça, au tout début, Raoul de Golden Wazzlerick avec la chanson, la bonne chanson. La bonne chanson. C'est merveilleux, une chanson, ça nous ramène à l'unisson, ça nous caresse le tympan. Et puis Claude François, Alexandrie, Alexandra, Alexandrin aussi. Alexandrin, on le connaît pas. Et puis la chanson, ben là, qu'est-ce que tu nous chantais? C'était une chanson. C'est beaucoup plus belle une chanson. Ça nous résonne dans l'unisson. Ça nous perce le diapason. Et on en recherche d'autres variations. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est ça. Ça peut pas être le nom, mais ça n'a pas. On... Ça se termine pas comme ça. Ben oui. Ben oui. Mais ça se termine comme ça. Est-ce que vous voulez qu'on recommence? Voulez-vous qu'on étire? Voulez-vous qu'on trouve quelque chose de mieux? Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être pire. Mais faut jamais se comparer au pire, toujours au mieux. Ah, ça c'est... Le mieux amène le pire. Ça, ben, pas tout le temps. Errance Rénaldienne demeure une émission atypique qui se distingue. Jamais vous trouverez un dynamisme aussi soutenu provenant de votre animateur préféré, Rénal Gagné, qui s'anime et s'enflamme avec fougue depuis trop longtemps. Cette émission de variété vous présente une véritable différence où l'excentricité de la création improvisatrice voltige à travers les circuits cybernétiques. Vous pouvez devenir membre de cette transmission auditive grâce à Facebook. Il vous suffit d'entrer Errance Rénaldienne sur le moteur de recherche de ce réseau social et vous serez ainsi instantanément adhérent, hein? Rapidement adhérent de la grande aventure qui vous arrive chaque semaine. Demain élan, écrivez-nous pour nous laisser vos commentaires à Rénal de Québec à commercial@gmail.com. Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC à commercial@gmail.com. Et j'ai reçu un courriel aujourd'hui, samedi, d'une auditrice. Et moi, ça fait toujours rigoler lorsque on me mentionne le titre de la vidéo, parce qu'elle m'avait, elle m'a vu la bouille. Elle n'a pas écouté l'audio. Elle n'a pas entendu la musique. C'est triste. Parce qu'il faut écouter. C'est une émission radiophonique avant tout. Ça, la vidéo, ce n'est qu'un support intellectuel. Puis encore là, ça montre toute mon incompétence visuelle. Et là, elle se dit, ah, qui ressemble à ça? Ah, t'as-tu vu? Ah. Eh oui. Et puis là, elle me citait, je crois, Le Bonheur, ou un clip que j'avais nommé ainsi. Elle me relatait ce que j'avais dit. Elle trouvait ça extrêmement humaniste. Et à chaque fois que je termine une émission, je tourne véritablement la page, c'est-à-dire que je ne m'en souviens plus. C'est Alzheimer. Alzheimer. Moi, je suis Alza. Oh! Ah, Alza, c'est quoi la chanson d'Alza? Donc, c'est... Papa est là, papa, le pauvre papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Mais je me rappelle vraiment plus. Ou sauf, quelques trucs, le grand Jojo, mais des trucs semblables. Mais sinon, Merci de me le rappeler. Merci de... Parce que je vais revoir les vidéos après, là. OK, le bonheur, ah, c'est ça. Ah, c'est pas en 1900, 2007. Ah, oh, j'étais bon à l'époque. Hein. C'est pas comme aujourd'hui. Ah, c'est... Ah, il riait, tout le gars. Il l'avait. Il était merveilleux. On l'applaudissait. Les femmes l'embrassaient lorsqu'il sortait. Ah, c'est... Aujourd'hui, on le frappe. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ça, c'est la phrase, hein. Ouvrons-lui un petit coin de bar, laissons-le nous suggérer une improvisation à partir d'une... Ça se termine pas comme ça? Non, non, non, non, non, non, non, monsieur, on commence là. C'est le début. Et lorsque on aura terminé, vous entendrez de la musique. Donc, ça, c'est un peu le but de l'émission, c'est-à-dire que c'est des blocs musicaux et des blocs d'improvisation. C'est pas compliqué, là. C'est en 4 ans, c'est presque en 5 ans, vous avez pas compris le concept, là. C'est, Ça se termine pas comme ça? J'ai dit que bloc improvisation, bloc musical. Est-ce que c'est de la musique, ça, là? Je sais que j'ai des mots qui amènent une harmonie sonore, mais non, ça n'en est point. Laissons Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Alors, on ouvre la petite canisse. Canisse, tu fais du bruit? Ah, j'adore faire du bruit parce que ça prouve que vraiment je choisis, hein. C'est pas du hasard. Puis ça se termine pas comme ça? Ben non, ça se termine pas de même. Toi là, attention, on repose, on ouvre le petit papier qui dit, on va regarder le titre avant, c'est ce que c'est le titre de la nouvelle. Non, on va pas aller, on va déjà, première phrase du début du nouvelle de Charles Bukowski, c'était deux braves filles, Tito et Baby. Eh oui. Brave. Plus que brave, là. Elle faisait la rue. Mais uniquement en duo. Tu pouvais pas avoir une des deux. C'était les deux. Parce que eux, ces deux filles-là, ensemble, vivaient en couple. C'était des amoureuses. C'était C'était comme des... Elles aimaient Elles étaient dans le... Elles pouvaient pas se passer de leur... Elles s'écartaient le... Elles faisaient des choses... C'était pas très catholique. Mais on pouvait pas les avoir divisés, là, hein? C'était 40 $ ou si vous préférez, 40 $ en euros, 32 euros ou 38 $ US. Mais c'était la totale. Ah, ça commençait par une petite danse lascive, là. Lascive, plus blanc que blanc. Et elle se frôle, elle sent là, c'est ça, faisait un après ça sautait dans les cerceaux, ça faisait des belles, ça marchait sur la tête, sur les cheveux, sur la langue. Ah, mon Dieu Seigneur, mais c'était pas la langue très française, hein. C'était une langue parce que elle venait de la portugalaise. C'était des portugalaises. Donc, plus elles étaient portugalaises, hein, plus elles étaient rébarbatives à tout ce qui était autre que leur langue d'originette. Ginette, est-ce que c'est la langue originale ou originette? C'est originette. Ah, c'est... On t'aime à cause de ça, ma belle. Tu rattribues tout à toi. Je rattribue tout à moi, tout à toi, tout à moi, tout à tout, tout à tout. C'est une bonne idée. Mais lorsqu'il fallait choisir, parce que entre les deux, là, m'a donné le gars, bon, ouais, tu regarderas, en Tito puis Baby, là, c'était la plus que belle. Ah, les cheveux carottés, frisottés, pas carottés, voyons, as-tu déjà vu des cheveux carottés? À 3h du matin, je vois bien des cheveux étranges, mais c'est pas les cheveux qui sont étranges chez toi. Ah, ça c'est vrai. Les beaux cheveux lisses, les cheveux lisses, des lisses, des lisses, des lisses, des fleurs de lisses, des fleurs de lisses. Vive le Québec libre! Vive le Québec libre! Hey, aujourd'hui, on soulignait les 30 ans, on a fait choisir aux Québécois, ben non, hier, le 1900 on a fait choisir, 1980, on a fait choisir aux Québécois, voulez-vous être autonome? Faut-il être assez cave, assez crétin pour avoir dit non? Et René Lévesque a dit, si je vous ai bien compris, vous nous disiez, est-ce que crois-tu sincèrement que René Lévesque aurait dit, vous nous disiez? Non. Je suis emporté. Emporte pas toi, les poteaux, emporte-toi. Si j'ai bien compris, ce que vous nous dites, c'est une prochaine fois. C'est pas sorcier. Vas-y, bravo. C'est pas sorcier. Bravo, René Lévesque. Ça se termine pas comme ça. Non, c'est pas sorcier. Non, monsieur. Ça se termine pas comme ça. C'est pas sorcier. Vous demandez si vous étiez prêt, plus que prêt, de vous prendre le Québec en main. Mais après tout, on s'est rendu compte que c'était sorcier. C'était chercher quelque chose que vous vouliez pas. Puis aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'on fait? On paye au Canada, puis on paye au Québec. Tout le monde est content. On dit, on est surtaxé. Ben, les caves, fermez vos gueules. Fermez vos bouches. Vous l'avez bien voulu, hein? Et vous n'avez pas choisi autre chose que ça. Puis on entend encore notre tyrannie qui dit, si vous avez bien compris, comme vous nous dites, ce sera une prochaine fois. Ouais, mais il l'a jamais vu cette prochaine fois-là. Ah, c'est... Baby était là, en 1980. René était là. Baby. Puis là, ça a donné une chanson. Baby, the wonder. I don't wonder. Ouais, ça fait le tour du monde, cette chanson-là. Est-ce que vous vous en rappelez? Baby, the wonder. Ah, beaucoup. Premièrement, là, c'était moins intense que moi je le fais actuellement là. On sent l'être qui connaît la variété. Ah, pour être avarié, vous êtes très avarié, monsieur Grenier. On s'imagine même quelquefois si vous n'êtes pas dans les sous-chambres ou dans les sous-sols de la création. Bon, sans être dans les sous-sols ou dans les on en connaît, mais une petite tasse de thé. Ah, pas trop chaude, s'il vous plaît, parce que ça me brûle la langue. Oh, la langue de chez nous. S'il vous plaît, on aimerait avoir 3 crèmes et 18 sucres. Hey, t'aimes pas ça le thé, toi, comment ça? 18 sucres? Ben ouais, bon, je suis pas traité, moi. Non, je suis pas traité, on me maltraite. Oh, on maltraite le thé? Non, moi, c'est on me maltraite, moi. Et le thé? Oh, le thé, je m'en fous là, du thé, moi. Le thé, je l'ai aussi loin que le... Oh, il y a des interférences. Go, baby. Alors donc, baby, la phrase de Charles Bukowski, le titre de la nouvelle de mon ami Charles Bukowski, Maman... Le titre de la nouvelle de Charles Bukowski, c'est pas de moi, c'est de lui, là. C'est Maman Gros Cul. Maman gros cul, ben oui, c'est Charles Bukowski, c'est sa phrase. Je peux pas faire autrement, puis c'est comme ça que ça se termine. Puis... Ça se termine pas comme ça. Ben, si je vous dirais oui, est-ce que vous me reconnaissez? Est-ce que vous... Est-ce que... Ça se termine pas comme ça. Gros air. Quel air. Poser, quelle heure as-tu? Tu déranges le mec, là? Même si on le cherche, on le trouve pas, lui. Momento, m'entends-tu? Voici mon kiki, c'est samedi. Momento, m'entends-tu? Voici mon kiki, c'est samedi. Je cherche toujours la solution, puis il est jamais là. Tu vas peut-être être bête, Gisèle, mais... Tu sais, à ton âge, le prince charmant... Mais je le sais, mais c'est pas une raison non plus de me garrocher dans les bras du premier venu. Je te dis pas de sauter dessus non plus. Je te demande seulement de réfléchir un peu avant de dire non définitivement. Oh, j'ai pas dit non définitivement. Je suis de me rappeler cette semaine. T'as pas l'air bien enthousiasmé. C'est drôle, hein? Hier soir, j'ai eu bien du fun avec lui, en fin de compte, mais aujourd'hui, quand j'y repense... Ah, oh, puis Daniel a commencé à faire des farces plates sur son compte. Elle l'appelle mon vieux garçon, puis ma mère aussi. Fait que... Ben oui, le complexe de famille qui revient. T'as peur de faire rire de toi. Mais quand c'est que tu vas comprendre qu'on est tous pareils dans la famille? Quand on est content pour quelqu'un, au lieu de leur sauter au cou, on se moque de lui. Tu te rappelles des niaiseries que t'as pu dire sur Claude avant que je le marie? Oh, ben, je n'ai rien qu'une petite fille, moi. Puis les agaceries de maman. Elle disait que Claude avait pas l'air intelligent. Puis quand tu passes à la porte, c'est elle qui avait l'air d'une arriérée à force d'être fine avec lui. Tant qu'à ça. Elle va être pareille avec le tien. Elle va dire toutes sortes de choses contre lui, puis quand il va arriver, elle va le bourrer du cagrème. Ouais. Oh, c'est tant à la vue, là. Oh, Benoît, ça te tente tout le temps que ça d'y aller. Oh, ça fait 3 jours qu'on en parle. C'est qu'ils veulent aller, donc, en salle paroissiale? Oh non, au vrai vu, ma chère. Mais il faut qu'ils soient accompagnés d'un parent. Mais l'espèce de film au coin, là, c'est un gars qui vit avec des ours. Ah, ben, si tu veux pas y aller, vas-y amener, moi. Ben, pas en tout, j'ai pas envie de rester tout seul. On va y aller tout ensemble. Yeah! Okay. Là, moi, je me demande toujours quelle sorte de vie sexuelle il pouvait avoir. Si tu as un ours femelle, au moins. Est-ce que je devrais plus ramasser le cadre? Oui, c'est vrai, ça. Je n'ai pas pensé. Oh, mon Dieu. Tiens. Tu veux être déjà? Ben, j'y vais, moi. Salut tout le monde. Ça va encore, toi? Imagine-toi donc, j'ai un chum steady, moi. Ah. Bonne soirée, là! Pour monsieur le savant, savant, qui a le prix Nobel. Pour les autres qui dansent en temps, nous rendrons éternels. Pour l'aviron qui, dans le brouillard, retrouve son terrain. Pour la joie de dire le soir, à demain. Merci bien. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh ouais. Pour ceux qui très tôt le matin s'en vont de leur banlieue. Et pour toi qui plante un sapin, bien que tu sois très vieux. Pour le noir qui chante à Saint-Louis, pour le rouge à Moscou, pour le riz du petit hindou qui a faim. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Oui. Ouais. Chaplin et pour Picasso, pour Molière et Shakespeare, pour les intelligents, les sots, les meilleurs et les pires, pour le diable et pour le bon Dieu qui s'entendent si bien, pour tes dents et pour tes cheveux et pour rien. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Merci beaucoup, merci beaucoup, ouais. Pour les secondes et pour les œuvres que nous jette le temps. Pour l'enfant qui rit ou qui pleure, mais qui est ton enfant. Pour la fille qui va donner son premier cri d'amour. Pour le fils qui prend le chemin du retour. Merci bien. Merci bien. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je décorer un petit peu plus, mais... Ah, oh, ça fait tiens! Ça va, pas. Oh, je vais servir. Je vais servir. Oui, c'est un bon café, pendant ce temps-là. T'as une bonne idée. Tiens, ma fille. Vous êtes? Moi, j'en veux pas, merci. Vous êtes? Oh, tu peux. Allô? Un instant, s'il vous plaît. Gisèle? Oui? Attendez-en une minute, là, s'il vous plaît. Oui? Oh, c'est pas grave. Oh, demain, j'ai... Ben, peut-être que je pourrais m'arranger. Ça dépend, là. OK. Correct. 7h30, ça a du bon sens. Correct. Bonjour, à demain. Pense, je vais goûter à ton gâteau, maman. Oh, ça, ça me fait plaisir. Oh. Bonsoir. Ils sont supposés de sortir, qu'ils se décident. Don't look at me with those sad lonely eyes. That won't change my feelings for you. If there is one thing I hate, it's sad goodbyes. You should have known. Some good times together in our days, but now our love has grown tired, and now we'll both go our own separate ways. So girl, don't take it so hard, but don't take it so hard, no, don't take it so hard, little girl. Say, girl, will ever change my mind, 'cause our breaking up is overdue. I can't pretend that I care just to be kind, because I think too much of you. If love's to grow, girl, it really must take two, but we seem to be miles apart. I'm sure you can find somebody new. So girl, don't take it so hard. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. Justice! Justice dance! Hey. Justice dance! Plus Mauve Pirate Remix. Le soleil se lève plus tard.